Qui est Sam? Sam, tu peux pas faire comme les autres dans ton album. T'es drôle, toi, c'est pas tout ça que je veux faire, mais... Non, y a pas de mais. T'as clairement dit, mais t'as essayé de retrouver ça. Ouais, bonne chance pour le retrouver. Vous savez, j'ai jamais été un gars qui voulait suivre la mode, qui voulait adopter un mode de vie comme les autres. Moi, j'aime ça faire à ma façon, ma tête... Mais tu sais quoi, c'est exactement ce que je fais. OK, mais d'abord, pourquoi tu fais une piste ou que tu fais juste parler? Parce que c'est drôle. C'est drôle, les albums, me semble, quand ils parlent pis tout, là. Ben, c'est ça que je t'ai dit. Tu fais exactement comme tous les autres rappeurs. Et de oui, en passant à ta dernière tune que t'as faite, là, c'était vraiment à chier. Tu chantais sur le même ton tout le long. C'est que c'est passé. Ah, OK. Toi, tu parles de la tune, t'es parti. Non, mais en fait, c'est parce que je filais comme pas pantoute, fait que ça a sorti comme ça a sorti. Puis là, tu comptes faire quoi? Continue exactement comme je l'avais commencé. Let's do the shit. Ta gueule, toi.